Je ne sais pas si ce qui m'arrive a été voulu ou mérité. Impliqué dans des coups tordus, allergique à l'autorité. J'ai traîné des guerres, mon arme et créé des dommages. J'ai saigné et peiné, perdu mon âme dans une crache, frérot. Écoute-moi bien, blaireau. Ils veulent me killer, retourner derrière les barreaux. Je préfère m'automutiler. Je vois ma vie défiler. C'est trop tard pour que je raccroche. J'avance des roses dans la main gauche, des grenades dans la sacoche. Je suis fugitif, ennemi public, gangster ou caille. Je suis, ça fait divers, un remake de Bonnie and Clyde. J'ai la sale manie, l'habitude de changer d'identité. Je suis un petit produit des quartiers d'haute sécurité. Mettre ma haine sous calmant, me tuer mentalement. Empêcher d'être un homme, ils se sont gourés totalement. Marginage précis, a choisi de se faire la paix. Même en pleine cour d'assises, il faut voir comment je m'appelle. Allez courez, je suis une proie si je me livre. Allez courez, vos lois me croient mais je suis libre. Vous êtes courez, juge, commissaire ou bâton. Entouré de bras cassés, vous êtes ce chien, je suis le bâton. Allez courez, je suis là pour vous persuader. Allez courez, je me rends quand vous m'aurez tué. Vous êtes courez, si vous pensez me mettre en cage. Vous protège-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. Contre l'État, ces institutions, en gros telle est ma mission. Ils sont dans tous leurs états, à chaque apparition. Ils ont choisi de les narguer, le commissaire est claqué. Ne me traque, j'agis, je frappe, je braque, sans me faire remarquer. Autorité, je la baisse, épaulé par monsieur Bess. Et chouchouté par la brèche, je suis dans vos 10 000 faciès. Moi, marqué par les matons, allergique au QHS. Leur lit de prison, me rendu champion, soit la perche. Depuis je cours de ville en ville, ennemi public numéro uno. Les banques, l'argent facile, Deauville et son casino. Gangster et gentleman, je suis le tombeur de ces dames. Prostituée ou proxénète, je fais parler mon charme ou mon arme. Au Québec ou à Londres, Paris ou en Algérie. Lunettes ou mèches blondes, moustache ou crâne dégarni. Je vis dans l'anarchie, est-ce que j'aurai le temps de rider? Ils m'arrêteront ou me tueront quand je l'aurai décidé. Allez courez, je suis une proie si je me livre. Allez courez, vos lois me croient mais je suis libre. Vous êtes courez, juge, commissaire ou bâton, entouré de bras cassés. Vous êtes ce chien, je suis le bâton. Allez courez, je suis là pour vous persuader. Allez courez, je me rends quand vous m'aurez tué. Vous êtes courez, si vous pensez me mettre en cage. Vous protège-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. Criminel, non toi, je suis un fugitif. Pas de ce qu'on met au ch'tard, gangster affirmatif. Pas de ce qu'on rabaisse, bandit par vocation. D'une balle dans la cabesse, mettront fin à mon ascension. Ils m'arrêteront quand je l'aurai décidé. Ils ont l'intention de me lessiver. Un doigt sur la gâchette, je ne reculerai pas. J'envoie cette cassette, une cellule photon et c'est 23. J'envoie cette cassette d'une cellule dont on ne s'évade pas. Allez courez, je suis une proie si je me livre. Allez courez, vos lois me croient mais je suis libre. Vous êtes courez, juge, commissaire ou bâton, entouré de bras cassés. Vous êtes le chien, je suis le bâton. Allez courez, je suis là pour vous persuader. Allez courez, je me rends quand vous m'aurez tué. Vous êtes courez, si vous pensez me mettre en cage. Je protège-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. Mes ennemis, je m'en charge.